Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Getz. Bonjour, nous avons de la place jeudi. À quelle heure êtes-vous disponible? Je peux venir à 14h. À 14h, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez venir à 15h? Oui, à 15h, je suis libre. Très bien. Alors je note un rendez-vous jeudi à 15h avec le docteur Getz. Quel est votre nom? Gontran. Gontran.